stress intermittent de la rue récidiviste déterminé. J'taxe en 32 parce que ça passe bien quand c'est difficile. Et j'baise ma rue énervée en la terminant. Parce que la vie de chez moi et j'apprécie d'y vivre. J'rappe mon mal de vivre, j'en fais des citations. Tu kiffes la rue, mes félicitations. T'aimes les vrais mecs, t'écoutes la fée des cités. Bon, chez nous, y'a plus grand monde de responsables. Accroché au bitume, c'est dans nos textes, nous responsables. Et j'te jure, sans faire de blagues, comme lycée-nous. Les jeunes ont vu les pires sévices. Vous, au lieu de juger, levez le doigt aux élections de meilleurs artistes. Élisez-nous par le vice. Influençable, j'en ai mal au cœur, influence stable. Mais je te dirai pas que ce texte, j'en suis pas l'auteur. Comme la plupart, un appétit vautour. Dans ma banlieue, les ch'tards ont raconté les mêmes charges qu'aux petites vautours. Les melottes, la resta à son gros. Et même pas tant de servir son paternel. Automatisme, la vie c'est sale, y'a du sang par terre, mec. J'ai pas. Vas-y, mets ta capuche, dehors y'a du crapuche, ma puce. J'ramène un son pour les crapules. La rue c'est rue, sérieux. Fais des études, c'est mieux pour la santé, mais faut ramasser les thunes. La merde est là, faut faire avec. Pas la peine que tu verses tes larmes, lève la tête, dérange les armes. C'est vandal comme mes tags sur les murs de l'état. Le mental baisé par un système qui veut nous léser. Dans les manifs, ça casse les vitrines pour de l'or massif. Aujourd'hui, les jeunes ont sorti les griffes, c'est pas grave. Tous le cœur entravé, les pavés, la rue 9-4 nous en fait pavé. La rue c'est malsain, j'ai la pression si j'assure pas. Ton dissus, ton disciple, on est déjà sur place. La rue la garce, la rue la pute, et je suis tombé dessus. Ça s'embrouille, y'a du sang, cousin, et je suis tombé sur merde. Ça part en couille, on changera pas. Pas moyen entre nous de faire chambre à part, on n'a pas la chance d'un autre, donc on touche le fond, on fait du bison, on part en vrille normal. Vu que tous le font, tous ces phrases autour de moi. J'ai une barre au crâne, soufflé comme cela Scar derrière les barocrates. Des parents craignent que tu foires tout et tu payes plein pour. Je m'impose, je traîne dans la rue et je m'en plains pas. T'inquiète, cousse, on y arrivera. On veut aller haut, on blindera les halls. On s'en bat les coups des aléas, toujours au B. Ils seront derrière moi si j'assure pas. La rue, mon point, fédération, on est déjà sur place. On est déjà sur place. Intermittent de la rue, dans la rue 3, fédération, fédération.